L'enregistrement suivant permettra de présenter le livre La psychologie d'une conscience adaptée à la société actuelle. Voici un résumé de la lecture de ce livre. Pour un bon nombre d'individus, la vie correspond parfaitement à ce dont ils ont besoin. L'accomplissement des rêves et des désirs qu'ils chérissent est au rendez-vous sans que cela n'occasionne trop d'insatisfaction et de frustration personnelle. Pour d'autres, le chemin est plus difficile. Il est semé d'embûches et d'événements percutants, comme la mort soudaine d'un proche ou d'un événement perturbateur, marquant, qui fera remonter à la surface des sentiments opposés. C'est alors qu'une approche de la vie différente et plus large devient nécessaire. Ce que propose ce livre, c'est exactement cela, une approche concrète permettant de dénouer et de résoudre des conflits intérieurs présents sans pour autant se soumettre à une surenchère d'émotions désarmantes. À la lecture de ce livre, vous intégrerez progressivement les outils nécessaires souhaitables pour favoriser des prises de conscience permettant progressivement de placer votre vie sur les rails d'un équilibre sain et harmonieux. Ceci est l'endroit du livre. Voici de quelle façon je veux aborder ce livre avec vous. C'est que ce livre permettra de créer une séparation de l'ego avec son passé afin qu'une étude plus grande de ce que vous êtes entre en vous. Et dans cette ouverture de conscience qui est nécessaire pour faire vibrer en vous votre identité personnelle ou prépersonnelle, il y a ainsi une capacité d'étude qui permet les ajustements à travers des outils très concrets. Ce livre permet donc d'amener l'ego à vibrer sans nécessairement entrer dans des segments occultes de la vie, puisqu'il ne s'agit pas de segments occultes. J'ai écrit de nombreux livres depuis les 20 dernières années, et ce livre, je peux vous dire qu'il n'a pas la même vibration que les autres livres qui avaient une portée à amener l'âme et aussi l'ego à se corriger, alors que ce livre représente beaucoup plus une capacité d'une personne à entrer dans sa propre psychologie afin d'en ressortir en équilibre. Donc, il n'y a pas d'intérêt à acheter ce livre pour le segment occulte, mais il y a un intérêt très marquant à se procurer ce livre pour pouvoir exercer davantage dans son quotidien une compréhension plus grande de la psychologie qui habite votre ego. Et bien que ce livre n'est pas très occulte, il a un fondement occulte, puisqu'il s'agit de mettre en perspective l'assurance suivante qu'une vibration, ça ne se discute pas. Ce n'est pas Marc de la Salle qui fera le travail pour vous, c'est le livre qui fera le travail pour vous dans la vibration de ce que vous êtes, afin que vous puissiez rapprocher votre ego d'une conscience beaucoup plus large et beaucoup plus définie. Car bien que tout part de la pensée, il ne s'agit pas de comprendre dans ce livre que la pensée vient d'ailleurs, il s'agit de comprendre simplement ce qui motive la personnalité et ce qui enclenche en vous certaines incompréhensions de la vie et qui parfois peut vous rendre la vie difficile. Dans le dernier enregistrement que j'ai réalisé avec David Lévesque, le commentaire émis suivant fut qu'on disait que j'étais orgueilleux. Voici ce que j'ai à dire sur ce livre. Ce livre permettra à votre vie de se donner un équilibre permanent. Comment cela est-ce que je le sais? Parce que tout simplement, je le sais. Et vous n'avez pas à croire ce que je dis. Vous n'avez pas non plus à acheter ce livre, vous avez simplement à exercer votre droit de savoir si un livre est pour vous une capacité identitaire vous permettant d'être plus libre dans votre vie personnelle. Ce livre se vendra 18 $, donc si vous voulez en faire l'achat, vous pourrez aller sur le site marcdelassalle.com et taper sur l'onglet Contact. Pour commander ce livre, vous avez simplement à inscrire Psychologie d'une conscience adaptée à la société actuelle. Bien entendu, il coûtera 5 $ de frais de poste. Et si vous n'avez pas la capacité de vous procurer ce livre par l'Internet. Vous pouvez toujours le faire à la librairie Quintessence à Saint-Sauveur. En espérant que ce livre soit un jour distribué à plus grande échelle, je vous remercie de votre attention. Au revoir.